franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. À Ville d'Averay coule la fontaine du roi, dont les eaux étaient réputées pour être les meilleures des environs de Paris. Ville d'Averay est la seule commune de la petite couronne parisienne à être reliée avec une commune limitrophe par de simples chemins forestiers. Pas possible. Comme je te le dis. C'est fou ça. Mais alors pourquoi personne ne le sait ? Eh ben maintenant tout le monde le sait. Et grâce à toi. C'est vrai. Vous le saviez ça, Bertrand, le truc là sur les chemins forestiers ? Ben oui, je suis né à Ville d'Averay, on connaît bien notre coin, dans ma famille. Ah, oh ben tiens, Philippe fait la moue, qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste que ça m'étonne, parce que peu de gens le sachent. Donc... Si, si, je le savais. Oui, ben de toute façon, on ne peut plus vérifier, puisque je l'ai dit en premier. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Docteur. Bonjour Bertrand. C'est pas grave de savoir si vous le saviez vraiment ou pas. De quoi ? Non, le truc sur les chemins forestiers. Mais c'est pas grave, c'est pas un concours, on s'en bat. Oui, et puis de toute façon, je le savais vraiment. Oui, sauf que comme j'ai dit en premier, si ça avait été un concours, j'aurais gagné. Ah, mais bon, on arrête de se chamailler, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'a fichu des gamins pareils, bah alors non, c'est juste qu'on discute, c'est tout. Ouais. Alors, quel est votre problème, Bertrand ? Voilà, alors c'est plus un problème pour Philippe, je me suis fait un tour de rein en déplaçant une commode Louis XVI. Alors, pardonnez-moi, mais là, heureusement qu'il ne s'agit pas d'un concours, parce que sinon je peux vous affirmer que vous auriez perdu. Oh, Philippe, arrête. Oui, oui, et oui, vous auriez perdu car il ne s'agit pas de votre rein. C'est au dos que vous avez mal, ça n'a rien à voir avec votre rein. Oui, non, ça je sais bien, c'est une expression toute faite. Alors, je pense que je me suis fait un lumbago. Mm-hmm. Connaissez-vous l'origine du mot lumbago ? Ah non. Ah ah. C'est quoi ? Ça vient du latin. Ah d'accord, et ça veut dire quoi ? Hey. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Vous avez consulté quelqu'un pour ce lumbago ? Oh oui, mais alors je souffre toujours énormément. Alors, comme je n'ai pas envie de me gaver d'antalgique. Pourquoi ? Ben parce que... D'accord. Vous avez tiré, poussé ou soulevé ? Je l'ai soulevé en la tirant légèrement. Elle est lourde, cette commode ? Ah oh oui, oh, très, très, très. Ah oui, donc elle n'est pas très commode, cette commode. Ah oui. T'es bête. Mais quoi ? Voilà, donc alors, trêve de plaisanterie. Donc c'est une très lourde commode Louis XVI, une imitation alors j'imagine. Ah non, c'est de famille. Oui, bon, ça veut rien dire. Hein. Il peut être de famille et être une imitation quand même. Ah non, c'est une vraie vieille. Enfin, elle était neuve à l'époque, mais... Oui, donc c'est bien une imitation. Ah non, je dis juste qu'à l'époque de Louis XVI, elle était neuve. D'accord, donc c'est une imitation fabriquée à l'époque. Comment ça ? Ben, des gens qui ont imité le style Louis XVI, mais à l'époque de Louis XVI, pour que ça fasse plus authentique maintenant. Bon, ben, quoi qu'il en soit, c'est une authentique, puisqu'elle a été fabriquée à l'époque. Mais non, puisqu'à l'époque, c'était déjà une copie du style Louis XVI. À quelle époque ? À l'époque de Louis XVI. Sauf que maintenant, comme elle est vieille, elle ressemble plus à une vraie que les imitations qui ont été faites après. À une vraie ? Oui, à une vraie commode Louis XVI. C'est une vraie commode Louis XVI, puisqu'elle date de l'époque. Mais non, puisque vous avez dit vous-même que celle-là, elle était neuve à l'époque. Mais comme toutes celles de l'époque à cette époque. Ben non, mais enfin, une commode Louis XVI, c'est une commode Louis XVI, quelle que soit l'époque. Ça peut pas être une commode neuve. Mais non, mais le château de Versailles, par exemple. Ouais. Il y a un moment où il a été neuf. Mais, non, mais enfin, monsieur, enfin, vous voyez du béton, du plastique, de l'aluminium. Non, le château de Versailles n'a jamais été flambant neuf. Ça a toujours été le beau château de Versailles, joyau de notre patrimoine, avec des vieilles pierres. Et en plus, comme il mettait des années à construire, il y avait toujours un endroit qui était déjà vieux. Enfin, encore plus d'époque. Mais d'époque, ça veut pas dire vieux, ça veut dire d'une certaine époque. Par exemple, bon, vous portez une chemise en ce moment, docteur ? Oui, je vois pas le rapport. Bon, et bien votre chemise, elle est d'époque, par exemple. Alors écoutez, monsieur, c'est pas parce que vous avez échoué au concours qu'il faut être mauvais perdant et désobligeant. C'est Margaret qui vient de m'offrir ma magnifique chemise Pierre Clarence. Alors manque de bol pour vous, monsieur. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une chemise d'aujourd'hui, de l'époque actuelle, de 2012. Enfin, il faudrait savoir, c'est d'époque ou c'est actuel? Ça marche pas votre truc. Enfin, en même temps, si vous appelez un lumbago à tour de rein, ça m'étonne pas que vous soyez faire fourguer une copie minable de Commode Louis XVI. Oui, et puis alors, si c'était une petite manœuvre pour nous la refourguer à votre tour, eh ben, c'est raté, Bernard Bertrand. Nous n'aimons que les meubles d'époque, figurez-vous, c'est-à-dire très anciens. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que le mot époque, ça veut rien dire en soi. Un meuble d'époque, ça peut être un meuble des années 60. Voilà, alors un meuble des années 60, c'est un meuble d'époque années 60. Ah oui, alors je la vois très très bien, la petite commode en formica jaune avec les petits pieds noirs de travers. Là. Quelle horreur. On va quand même pas appeler ça une antiquité. Et vous pouvez aussi la garder, celle-là. Non, ça, c'était un exemple, j'en ai pas. Oh, bah, tant mieux pour vous, monsieur. Bon, et mon dos, alors? Cortisone, monsieur, merci, au revoir. Au revoir. Et cher Bertrand Bernard, je citerai Louis XIV, qui lui avait des meubles d'époque authentique, pour le coup. Il est plus facile de faire ce que l'on est que d'imiter ce que l'on n'est pas. Et c'est valable aussi pour les commodes. Au revoir et merci à Yann Chouquet pour son authentique mise en onde. Au revoir Marga, mon antiquité à moi. Ah bah non. Non, je veux dire que tu m'es précieuse. Ah bah oui. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.